la dune. Un matin d'été, je regardais sur la mer l'écume ondulée d'une vague. Il s'est détaché et dans ses bras fragiles, doucement il m'a fait tourner. Un ange m'a fait danser. La dune, je reste à regarder les longues vagues blanches au loin se dérouler. Mais de l'ange, mes yeux égarés ne trouveront plus la trace du sillage éthéré. Sans doute l'ai-je rêvé.